Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. After, c'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. Galaxy, The French Touch. Thank you. After, chaque dimanche, 10h midi, Pascal Mancini sur Galaxy. Le titre Toxilove. Merci de votre fidélité. Ne bougez surtout pas. On se retrouve juste après les informations de proximité présentées par Stéphane Laroche. La 13e édition du festival Jeune Public L'Enfance de l'Art se poursuit jusqu'au 13 juin sur Waterloo. Un mois de théâtre, concerts, expositions et spectacles tout public. Programmation complète disponible sur le site web l'enfancedelart.fr.gd ou plaquette à retirer en l'hôtel de ville, office de tourisme ou encore bibliothèque. Le festival des arts détonnants est programmé actuellement et jusqu'au 8 juin sur Tourcoing. Spectacles de rue, théâtre, jeux, ateliers pour enfants et marché des talents. Programmation et réservation, Centre Européen de l'Humour, 03 20 26 72 78 ou eurohumour.com. Manifestation Bienvenue dans mon jardin, les samedis 7 et dimanche 8 juin. L'espace d'un week-end, visité librement et gratuitement partout en France, plus de 1000 jardins d'amateurs. Un rendez-vous familial, convivial, fait d'échanges et de découvertes. Renseignements 03 27 46 37 50 ou sur jardinierdefrance.com. Journée porte ouverte à la ferme du Marais de Warlin le dimanche 8 juin prochain. Animation pédagogique autour des animaux, balade guidée, dégustation de produits du terroir, kermesse, etc. Plus d'infos, la ferme du Marais, 03 27 91 40 46 ou sur lafermedumarais.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. 95.3. Galaxy 95.3.

Galaxy. Galaxy. Just electronic music. les incontournables sur les ondes de Galaxy à l'instant avec Julien Jabre pour le titre War à venir tout de suite dans les oreilles. On va entendre Armin van Buuren avec le titre Zoom and Goodbye. Et on écoutera aussi en souvenir Félix Daouskat. Galaxy. Thank you. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. C'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. Galaxy. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes bien sûr à bord de Party After depuis 10h. Party After, c'est les souvenirs, c'est les nouveautés du moment. Et c'est aussi les grands classiques avec maintenant DJ On avec Super Sexy Girl. We'll be right back. Galaxy. Galaxy Weekend. Galaxy Weekend. We'll be right back.

Let's roll. C'est Pascal Mancini chaque dimanche de 10h à midi sur Galaxy. l'instant, Uto Carême avec le titre Alive. Dernière plaque à vous mettre entre les deux oreilles. Je vous remercie de votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette émission. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, pas d'émission. Rendez-vous dimanche 15 juin pour une nouvelle émission Party After. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Dans quelques minutes, c'est DJ Tom que vous allez retrouver sur les platines de Galaxy pour la session 6 Mix. Mais on va terminer cette émission dans la gaieté avec tout de suite Jean-Claude Hadès avec le titre Shingaling. Vous pouvez retrouver bien sûr ce titre sous le label Greg Stuff. Jean-Claude Hannes avec le titre Chingaling sur le label Grieg Stuff. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Voici dans quelques instants DJ Tom. On vous rappelle que DJ Tom, vous le retrouvez en résidence. Ça se passe au VIP. Chaussée de tournée, ça se passe à Bellegame. Vous pouvez le retrouver là-bas si vous voulez lui faire un petit coucou. Mais on le retrouve tout de suite sur les platines de Galaxy. Prochain rendez-vous pour Party After. N'oubliez pas, ça sera le dimanche, 15 juin. Je vous fais bien sûr de passer une excellente après-midi à l'écoute de Galaxy.